Le mandat était resté sur la table de nuit, près d'un livre. Frédéric souleva le volume et le posa par-dessus, en répondant « Mon Dieu, non, mon cher ami !» Mais il lui coûtait de refuser à Arnaud. « Comment ? Vous ne trouvez personne qui veuille ?»« Personne ! Et songez que d'ici à 8 jours, j'aurai des rentrées. On me doit peut-être 50 000 francs pour la fin du mois. Est-ce que vous ne pourriez pas prier les individus qui vous doivent d'avancer ?»« Ah bien oui !» Mais vous avez des valeurs quelconques, des billets. Rien. Que faire ? Dit Frédéric. C'est ce que je me demande, reprit Arnaud. Il se tut et il marchait dans la chambre de long en large. Ce n'est pas pour moi, mon Dieu, mais pour mes enfants, pour ma pauvre femme. Puis, en détachant chaque mot. Enfin, je serai fort. J'emballerai tout cela. Et j'irai chercher fortune, je ne sais où. Impossible ! S'écria Frédéric. Arnaud répliqua d'un air calme. « Comment voulez-vous que je vive à Paris, maintenant ?» Il eut un long silence. Frédéric se mit à dire « Quand le rendriez-vous, cet argent ?» Non pas qu'il l'eût, au contraire, mais rien ne l'empêchait de voir des amis, de faire des démarches. Il sonna son domestique pour s'habiller. Arnaud le remerciait. « C'est 18 000 francs qu'il vous faut, n'est-ce pas ?»« Oh, je me contenterai bien de 16 000, quand j'en ferai bien 2 500, 3 000, avec mon argenterie. Si Vanneroy, toutefois, m'accorde jusqu'à demain. Et, je vous le répète, vous pouvez affirmer, j'irai au prêteur que dans 8 jours, peut-être même dans 5 ou 6, l'argent sera remboursé. D'ailleurs, l'hypothèque en répond. Ainsi, pas de danger, vous comprenez ? Frédéric assura qu'il comprenait et qu'il allait sortir immédiatement.